Ha, el no so. El no es so. Il est temps à présent de te dire au revoir. J'ai retrouvé l'âme sœur, je ne peux plus te revoir. J'en ai bien peur, une relation sans en être une. Une vraie fiction remplie d'écume. Je te garde dans mon cœur, je te garde en mémoire de chacun de mes pleurs écoulés dans le noir. Ha. Tous ces moments passés à tes côtés, à espérer qu'un jour on y arriverait, que ce serait pour de vrai. Que malgré toutes ces attentes, comme en bas d'une pente, peut-être sera-t-elle contente. Non, il ne faut plus que je me mente, car depuis le début, toutes ces faux, je l'ai vu, n'ont fait qu'enfoncer la lame plus profond dans mon âme et raviver la flamme qui de mon cœur émane. Et ça fait mal, je ne suis pas Superman, seulement un simple mal qui sent sa vie qui crame, qui tente d'oublier que tu l'as mutilé, que tu l'as torturé sans jamais l'épargner, plus voulant l'ignorer. Mais pourquoi en parler? Ça doit se terminer. Car pourquoi continuer à se renier, reprendre notre vie chacun de son côté? Car j'ai peut-être dit chagrin, mais je survivrai. Il est temps à présent de te dire au revoir. J'ai retrouvé l'âme sœur, je ne peux plus te revoir. J'en ai bien peur, une relation sans en être une. Une vraie fiction remplie d'écume. Je te garde dans mon cœur, je te garde en mémoire de chacun de mes pleurs écoulés dans le noir. Je te garde dans mon cœur, je te garde en mémoire de chacun de mes pleurs écoulés dans le noir. Comme l'odeur d'une rose, tout est éphémère. Alors je me pose et je regarde en l'air tous ces nuages qui font ressortir des images dans ma tête tant que ça ne s'arrête. Cette mélodie incessante, tant et tant, et tu tentes de l'extraire de toi, mais elle est ancrée bien trop profond à l'intérieur de toi. Donc tu te sens chavir et touche le fond. Tu es avec une fille, elle te plaît. Pour toi son cœur brille et tu la fais rêver. Seulement, t'arrêtes pas d'y penser comme avant. Impossible d'oublier, seul chez Dan sait à quel point tu rames, mais ton esprit se consume à chacune de ses pensées. Reviens dans la réalité, t'y es forcé, seul le temps te fera zapper. Il est temps à présent de te dire au revoir. J'ai retrouvé l'âme sœur, je ne peux plus te revoir. J'en ai bien peur, une relation sans en être une. Une vraie fiction remplie d'écume. Je te garde dans mon cœur, je te garde en mémoire de chacun de mes pleurs écoulés dans le noir. De chacun de mes pleurs écoulés dans le noir.